Le président de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 13 son décret numéro 1721 sur la nomination de Dong Zhong-ho, vice-premier ministre de la République.